poursuivons notre voyage au centre de notre être, à la rencontre de notre être. Au centre de l'amour, amour pardon, amour universel, amour guérison. Vous vous asseyez confortablement. Le dos droit, les épaules détendues. Vous relâchez toutes les tensions de votre dos, de votre nuque, et vous fermez les yeux. Portez votre attention sur votre respiration. Observez-la simplement. Regardez-la. Ressentez cette force qui vous vitalise et qui pénètre vos poumons. Source de votre espace et de votre place. Vous allez tout doucement porter votre attention au creux de la paume de vos mains. Vos mains sont posées sur vos genoux, tournées vers le ciel. Et vous ressentez peut-être un échauffement, des picotements, de légers mouvements d'énergie. Regardez-les simplement. Observez-les. Vous allez maintenant tout doucement porter votre attention au creux de la plante de vos pieds. Regardez-les simplement. Observez-les. Acceptez-les. Vous allez maintenant appeler votre compagnon de lumière. Vous lui demandez d'abaisser son niveau vibratoire à votre niveau. Vous élevez simplement votre gratitude vers lui. Et vous lui demandez de vous aider dans ce travail. Vous portez maintenant doucement votre attention légèrement en avant devant vous. À quelques dizaines de centimètres de votre poitrine. Et là, vous imaginez une petite sphère verte, d'un beau vert brillant, très lumineux. Le vert de l'émeraude. C'est la symbolisation du chakra cardiaque. Vous voyez cette sphère se matérialiser doucement devant vous. Ressentez sa présence. Vous voyez son éclat. Imaginez maintenant que cette sphère verte commence à tourner sur elle-même. Elle tourne sur elle-même de plus en plus vite. Et commence à dégager doucement une lumière verte, très douce. Cette lumière devient de plus en plus large. Elle s'étend doucement. Elle devient de plus en plus vaste et commence à se diffuser dans l'espace autour de vous. Elle s'étend de plus en plus. Elle englobe maintenant tout l'espace. En gardant toujours à l'esprit cette sphère verte, visualisez maintenant des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards de sphères vertes. Autour de la Terre. Avec la même lumière. Ce sont tous les chakras cardiaques des êtres de la Terre. sentez l'air. Vous pouvez maintenant vous mettre à l'unisson de toutes ces sphères. Elles sont comme vous. Elles sont en vous. Elles tournent autour de la Terre. Et maintenant, elles se réunissent en une gigantesque lumière verte qui rayonne à l'infini. Terre est dans cette sphère verte. La Lune est dans cette sphère verte. Les étoiles sont dans cette sphère verte. Les galaxies sont dans cette sphère verte. Vous êtes tous réunis par ces chakras du cœur. Laissez se diffuser cette lumière. La Terre est le chakra cardiaque du système planétaire. C'est par la Terre que se diffuse l'amour cosmique dans l'univers. Ressentez cette lumière verte de votre chakra du cœur, unie à toutes ces lumières vertes de tous les êtres de la Terre. Laissez cette énergie se diffuser sans limite. L'amour et la lumière soient dans votre cœur, soient dans votre tête, soient dans votre corps. Que la lumière, l'amour et la paix soient en vous, et que vous soyez aussi cette lumière, cet amour et cette paix, toujours diffusée davantage. Parce que de toute éternité, vous avez toujours été l'incarnation parfaite de l'amour. dont vous devenez de plus en plus conscient par votre travail sur vous-même. L'invisible est avec vous. Recevez simplement cet amour dont vous êtes digne et que vous méritez tous, sans exception, en tant qu'enfant de l'univers, en tant qu'enfant de la grande pensée universelle, illimitée. Source et origine de tout ce qui est. Vous allez maintenant doucement revenir de ce voyage. Vous pouvez remercier votre compagnon de lumière pour l'aide qu'il vous a apportée. Et quand vous le souhaiterez, vous ouvrirez doucement les yeux, vous vous étirerez, vous êtes là, ici et maintenant. Thank you.